Et jusqu'à ce que votre sécurité soit assurée, je vous ferai suivre par un homme dont vous aurez réglé les frais. C'est un parfait gentleman. Et il a volé ma camionnette.